sur ce téléphone, comme on a dit, que dans le cas où cet individu-là dit ce hadith est une bêtise, par exemple, ou bien ce conseil que tu me donnes, la parole de Dieu, ou le hadith, ce n'est pas, ça ne rentre pas dans ma tête. Donc, le fait qu'il ne suive pas le conseil, il a dit, ça peut être un élément entre les mains des individus, des gens, la populace, si on veut, et qu'il fasse une révolution. Et alors, va arriver un grand maître d'un. Parce que comme a dit Cheikh Islam Timur dans le Nadawiyya, dans la fitna qu'il peut y avoir quand il y a une révolution, la fitna est plus grande, beaucoup plus grande que la fitna qu'il y a quand on est sous le gouvernement d'un gouvernement injuste. C'est pour ça que l'imam Ahmed, certains gens de Bagdad sont venus et ont dit la révolution a commencé à Bagdad. Est-ce que tu veux être participant à cette révolution? Alors l'imam Ahmed a dit Ad-dima la ara dhalik. C'est-à-dire le sang, il a eu peur du sang, il a dit je ne pense pas ça. Alors l'individu a dit nous avons une fitna, c'est-à-dire le gouvernement commet des choses contraires à l'islam. Alors l'imam Ahmed il a dit لكنها فتنة خاصة ولكن إذا وقعت السيوف انتهكت الحرمات وسبيت النساء وذهبت الأموال وهي الفتنة العظمى. C'est-à-dire la fitna qu'il y a que le fait que le gouvernement n'applique pas par exemple tout l'islam, c'est vrai que certains criminels profitent de ça, mais tous les criminels ne profitent pas. Donc quand la fitna arrive, tous les criminels profitent. Et tous ceux qui veulent voler, peuvent voler. Tous ceux qui veulent violer, violent, etc., etc. Et ça, c'est la grande fitna. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a rapporté les paroles de certains savants. Il disait, 10 ans sous un gouvernement injuste, il n'y a que 1 mois sans gouvernement. Je disais donc, cela montre que Cheikh Al-Uthaymeen connaît bien ces hadiths et les applique bien. De la même façon, nous allons donner notre exemple, Cheikh Ibn Baz. Comme m'ont rapporté certains de ses élèves, certains individus sont venus et ont dit pourquoi ne parlez-vous pas aux savants? Alors quand il a dit Wallahi laqad ma'asahnahum wa qawmahum lam yastajibu hada la ya'ni annana nughayyij al-amma alayhi. Et celui qui regarde bien cette parole, il voit qu'elle est exactement superposable et coïncide exactement avec la parole de Cheikh Al-Uthaymeen et la parole de Oussama Ibn Zayd et à la parole de l'imam Ahmed et d'autres savants. Alhamdulillah, ça pour montrer que l'individu, il doit savoir que le savant protège les frontières, les limites de Dieu mieux que les autres individus. C'est pour ça qu'Ibn al-Bazar il a dit il n'a pas pu de marcher le sultan, le sabr et le dua, فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء. C'est-à-dire, s'il ne peut pas conseiller le savant, alors qu'il invoque Dieu pour lui, qu'il l'arrange ce gouvernement, et qu'il patiente. Et Salaf interdisait d'insulter les gouvernants. D'autre part, Dieu dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. C'est-à-dire ceux qui craignent plus, ceux qui craignent vraiment Dieu, ce sont les savants. Donc, ce sont eux qui sont le plus gênés. Ce sont eux qui s'alertent le premier quand les interdits de Dieu sont piétinés. Et le fait qu'on n'entend pas, qu'on ne s'entend pas parler de certaines choses, ça veut dire que ce n'est pas raisonnable d'en parler et parler devant les gens parce que ça va amener d'autres gens à piétiner des interdits. Et donc pour limiter les contrevenances à la religion, les contrevenances aux interdits de Dieu, aux commandements de Dieu, nous formons ces thèses des fois, c'est-à-dire quand je dis ces thèses, c'est-à-dire en public. Mais ça n'interdit pas qu'en secret, il conseille et il parle. Et tout cela nous amène à réaffirmer que le musulman doit toujours avoir de bons doutes vis-à-vis de ses savants. Et s'il a des mauvais doutes vis-à-vis de ses savants, alors en vérité, il coupe le lien qu'il y a entre lui et le kitab al-sunnah et la bonne compréhension du Coran et de la sunnah, comme on a eu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسجيه que nous allons traiter maintenant inshallah c'est comment rassembler les musulmans. Nous allons commencer par citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith rapporté par l'Irbad Moussariya, le Sunan Tirmidhi, ou Abi Daoud, le Sunan al-Sahih. Qala l'Irbad Moussariya, radiyallahu anhu, wa adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'idhatan, wa jilat minhu qulub, wa zarafat minhu al-uyun. Faqulna ya Rasulullah, كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواه وكل ضلالة في النار. Comme chacun sait, c'est que quand une personne est malade, il va chez le médecin. Ce médecin-là, c'est le mal qu'il a. Et il ne peut détruire le mal que lorsqu'il est vraiment compétent. Et après avoir détruit le mal, il lui donne la cause de ce mal. Et après avoir donné la cause du mal, il va donner le remède. Et après lui avoir donné le remède, il va décrire ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit éviter pour aggraver ou bien pour que le mal revienne. Ça, c'est le médecin qui soigne les corps. Et ce médecin-là n'a pas besoin d'être clément. Même si c'est un médecin qui soigne que pour l'argent, et peu lui importe si la personne vit ou ne vit pas, cette personne-là, si elle est compétente, elle va donner le bon remède. Et on ne connaît pas de personnes qui sont allées chez le médecin, et dont le médecin a décrit le mal, et qui ne lui a pas donné de remède. Et ça, c'est une introduction pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'un mal très grave allait atteindre cette nation. Et ce mal-là, c'est le mal de la divergence. Et personne, aucun musulman, ne peut répondre que la divergence entre les musulmans n'est pas un mal. Parce que, vous avez dit dans le Coran, وَلَا تَنَادَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. C'est-à-dire, ne créez pas de discorde entre vous. Car dans ce cas-là, votre force s'affaiblirait, votre force s'anéantirait. Donc, c'est un mal. Et il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths qui montrent que la divergence n'est pas bonne et que c'est elle qui amène la défaite. Si on s'est entendu sur ce point, on va analyser ce hadith. Le hadith, il a montré que la divergence, ce mal-là, aller atteindre la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, c'est le dernier prophète. Et cette khutbah-là qu'il a donnée, c'est la dernière khutbah. Comme il y a dans certains riwayas. La dernière khutbah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Donc ça doit nous indiquer l'importance des paroles qui sont portées dans cette khutbah et nous avertir que les paroles qu'il a prononcées ne sont pas des paroles sans importance. C'est le dernier prophète et son message restera jusqu'au dernier jour, au jour de l'Apocalypse. Alors il doit vraiment donner des conseils qui sont d'or et des conseils qui vraiment amènent à la nation son bonheur sur terre et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de plus, quand il décrit un mal, ce mal-là, ce n'est pas un mal qui va atteindre les corps, mais c'est un mal qui va atteindre les cœurs et qui va atteindre la nation elle-même, dans sa force, dans sa jeunesse. Et donc, comme on a parlé du médecin qui doit accomplir son travail, même s'il n'est pas clément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit donner alors le remède. Que dire alors quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que l'a décrit Dieu dans le Coran, est clément et miséricordieux envers sa nation? Il est plus clément et miséricordieux envers nous que nous envers nous-mêmes. Donc, obligatoirement, il doit donner le remède à ce mal. Et s'il ne donne qu'un seul remède, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre remède à ça. Et d'autre part, il doit prévenir la nation de ce qui a provoqué ce mal-là et prévenir aussi des choses qui peuvent aggraver ce mal, ou bien le faire revenir. Et si on regarde bien les expressions qui sont utilisées dans ce hadith, on voit que tous ces éléments-là sont indiqués dans le hadith. Il a dit, إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ça, c'est la description du mal. Il a dit, ceux qui vivront parmi vous, d'entre vous, vont constater une divergence énorme. Tout de suite après, il a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Il a dit, alors cramponnez-vous, alors suivez ma sunna. Et le terme qu'il utilise après, عَبْدُ عَلَيْهِ بِالنَّوَيْتِي, on comprend, cramponnez-vous à la sunna. Comme dans le hadith que Rawa Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y allait avoir des divergences, alors du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'allons-nous faire? Alors il a agrippé le tapis avec force et il a dit, vous faites comme ça, c'est-à-dire agrippez-vous, cramponnez-vous. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي. Et suivez la voix de mes compagnons, radiyallahu anhum. أعطوا عليها بالنواجذ, c'est-à-dire si vous voulez éviter les divergences totalement, alors il faut vous agripper parfaitement. C'est pour ça que le muscle chez l'homme le plus fort, c'est le muscle de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé ce terme-là gratuitement. Il veut que l'individu s'accroche à la sunna au point qu'il peut, avec la force qu'il peut donner, et de ne pas être avare envers lui-même et d'utiliser qu'une petite force. Suivez le commandement de Dieu autant que vous pouvez. Et ça c'est le remède. Et le médecin vous donne la façon de prendre le remède. Si c'est un médicament, peut-être qu'il dira avant le repas, après le repas. Il a donné la façon. Et la seule bonne façon d'utiliser ce remède pour échapper à ce mal, il a dit « Abdu alayha bin nawajiz », c'est-à-dire « mordez à pleines dents ». Il a dit après « Wa iyyakum wa muhdathatil umur », c'est-à-dire « attention, prenez garde aux innovations ». « Fa inna kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin fin mar ». Cette innovation équivaut à un égarement de la voix. Et tout égarement de la voie amène vers l'enfer. Et quand on voit la description qu'il a donnée de l'innovation, on ne peut avoir nul doute au sujet de l'innovation. Bonne et bid'a mauvaise, comme certains personnes prétendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'a. Dans la langue arabe, kullu, c'est un terme général qui englobe toutes les bid'a. Et c'est pour ça Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة أو الدارين على صحيح, c'est-à-dire toutes les bid'as sont un égarement équivalent à un égarement, même si les gens voient que c'est des bonnes bid'as, des innovations qui sont bonnes. Quant à Vous allez le Coran même, ceux qui prétendent que dans les bid'a, il y a des bid'a qui sont bonnes. Entre autres, la parole de Omar ibn Khattab. Ni'matul bid'a tumadi, quand il a rassemblé les gens pour la prière nocturne de Ramadan. Et les savants ont répondu à cette chouba, ils ont dit que Omar ibn Khattab n'a pas amené des choses nouvelles. Il a fait revivre une sunna qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ni'matul bid'a, ça veut dire une chose nouvelle par rapport à son époque, qui n'était pas à son époque. La même chose, il ramène pour preuve le hadith, man sunna fi l'islam, sunna al-hasana, fa lahu ajruha wa ajru man amila biha. Ils disent que ce hadith-là est un délit qu'il y a des sunnas, des bid'a, hasana. En vérité, le hadith, comme on dit les savants, il parle de la sunna. Comment? Alors, avez-vous compris qu'il parle de la bid'a? Il parle de la sunna. Et quand on regarde, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles-là, man sunna fi l'islam, sunna al-hasana, on comprend bien. On comprend bien le véritable sens. Et ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé certains compagnons à donner le monde à certains pauvres et qu'il a vu que personne ne s'avançait. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu est allé chez lui et il a ramené ce qu'il pouvait donner et l'a mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon, à la vue de ce café, Abu Bakr radiallahu anhu, ils se sont précipités et ont ramené tout ce qu'ils pouvaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sunna fi l'islam sunnat al-hasana, talahu ajruha wa ajru man amila biha. Et on constate alors que le sens véritable de ce hadith n'a rien à voir avec le sens que lui portent certains. Donc, il a montré que la cause de la dispersion, des divergences, c'est l'apparition de la bid'a. Et c'est bien connu que quand on a une seule sunna, quand on a une seule sunna et qu'apparaissent d'autres sunnas, c'est là la divergence, c'est là que la divergence apparaît. Et on connaît l'histoire des Japonais qui ont voulu entrer dans l'islam. Et chaque groupe les appelait à un islam différent. Et en fin de compte, eux qui ont fait un effort immense pour accepter d'embrasser l'islam, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas un islam, mais des islams, et en vérité il n'y a qu'un seul islam, mais comme les innovateurs présentent l'islam, le présentent en vérité comme une multitude d'islams, alors que nous on dit il n'y a qu'un seul islam, mais c'est à nous d'y revenir, et c'est à nous d'appeler les gens à cet islam, même si effectivement à l'époque où on est, il y a une multitude de gens, de groupes qui appellent à un islam différent. Alors, à la fin, ces Japonais ont abandonné, ils n'ont plus voulu embrasser l'islam. Parce que tout le monde sait que la divergence indique, la divergence autour d'une question, ça indique que ces gens-là ne sont pas d'accord sur un point, ils ne sont pas sur le droit chemin. Parce que s'ils étaient sur le droit chemin, s'ils étaient sur la bonne voie, cette voie-là, c'est Dieu qui les guide vers elle. Et Dieu ne guide pas vers des voies différentes, il est al-mustaqim, une seule voie, la bonne voie. Alors l'individu tout de suite sait que ce n'est pas la bonne voie. Et Dieu a dit dans le Coran, « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Et s'il ne venait pas de Dieu, ils y trouveraient des divergences multiples. Et c'est ainsi que tout groupe qui s'éloigne du kitab ou sunna et qui essaye, par exemple, de rassembler les gens avec un autre moyen que de les rassembler autour du kitab ou sunna et avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant les grands savants et leurs paroles, alors cela en vérité, ils ne vont pas rassembler les gens. De plus, Dieu dit dans le Coran, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire, il dit à mes serviteurs, dis-leur de suivre la meilleure parole, car le diable provoque des divergences, des discordes entre eux. Et la meilleure parole, comment on a trouvé la meilleure parole? Il n'y a nul doute que la meilleure parole, c'est la parole de Dieu et de son prophète, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc si on veut réaliser autour d'un faux idéal, on veut rassembler les gens, sans les éduquer, sans en acceptant leurs paroles fausses. On veut seulement les satisfaire, et jadis il était dit, Riban Nasi, Rayatuna Tudrak. Cette parole, c'est Shafi'i qui l'a prononcée, Rahimallah. C'est-à-dire la satisfaction de tous les gens est une chimère. La satisfaction de tous les gens est une chimère. Surtout qu'on pensait que ces gens-là, on essaie de rassembler certains grands savants, entre autres Hassan Basri, qui est un tabi'i, successeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelait la populace, les gens ordinaires, il les appelait les meurtriers du prophète. Pourquoi ? Et aussi, Ibn Qutayba rahimahullah ou Ibn Battah rahimahullah disait « Al-Nasu fi zamanina hada asrabun kattayri yatba'u ba'duhum ba'da law zahara lahum min yadda'i nubuwa » مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. C'est-à-dire, les gens, si un individu apparaissait et prétendait être prophète, alors tu trouverais une partie de ces gens-là qui suivraient cet individu-là, alors qu'ils savent bien que le prophète صلى الله عليه وسلم est le dernier des prophètes. Et certains disaient, l'ilhamti ala l'hilm d'oula. C'est-à-dire, que la folie, elle s'établit dans le cœur de beaucoup de gens mieux que la raison. Donc, l'appel à l'unité des musulmans, comme a dit Dieu, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Ça, c'est une obligation que toute personne doit réaliser. Mais elle ne doit pas être de la même façon qu'elle a été réalisée par les chrétiens qui ont accepté, qui se sont tués devant la parole de toute personne qui a prétendu être chrétienne, qui a prétendu suivre Isa, Jésus alayhi salam. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Toute personne qui a voulu changer leur religion est rentrée au nom de l'amitié, de l'amour, de la fraternité, et a changé la religion qu'avait ramené Jésus alayhi salatu wassalam. Et l'histoire de Paul, qui en vérité Shaol le juif, elle est bien connue. Shaol était un juif, les juifs lui ont demandé de rentrer dans le christianisme, ou plutôt de faire semblant d'être chrétien, et de changer la religion, et de suivre leurs ordres et leurs prescriptions. Et c'est bien connu comment il a changé, et qu'il a pu vaincre tous les autres défenseurs du christianisme véritable. Alors que notre religion, si Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Tadouma rahmatin min Allahi limta lahum, wa lakumta fadban ghaliza al-qalbi, man fadban min shawlik » Notre religion ordonne de commencer notre da'wa de la bonne façon, et c'est-à-dire tendrement, d'amener les paroles d'une bonne façon. Mais si une personne apparaît, même si cette personne-là a une bonne intention et qui ramène une chose contraire à l'islam, il a du devoir, des savants surtout, il y a alors de leur devoir de répondre à cet individu. Et même si cela exige dans certains cas d'utiliser des paroles un peu dures, comme l'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand certains de ses compagnons lui ont dit ce que tu veux et ce que Dieu veut. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lillahi nidda. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est l'unicité de Dieu elle-même qui est piétinée. Et il a dit, tu es rendu égal à Dieu, de la même façon, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains de ses compagnons lui ont demandé un arbre pareil à l'arbre des kuffars. C'était un arbre appelé Zat Amwat, où ils accrochaient leurs armes, en pensant que le fait d'accrocher les armes à cet arbre, ça allait rendre les armes invincibles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit, Allahu Akbar, inna sunan. لقد سألتموني كما سألت بنو إسرائيل موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Vous avez utilisé un verset concernant les kuffars, mais pour leur montrer la gravité de l'action qu'ils ont entrepris et qui peut les amener pas à pas vers le kuffar. Et quand on sait que toutes les innovations au départ, ce sont des gens qui avaient de mauvaises intentions qui les ont amenés, ce sont des juifs, des perses, des zoroastriens, etc. Et par exemple, Rafida, c'est Abdullah ibn Sab, le juif, le premier qui a insulté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a dit qu'ils étaient sortis de l'islam. Un autre exemple, Bishr ibn Rayyas al-Marisi, qui était juif, et qui a ramené les grandes bédas, les grandes innovations de Mu'tazila. Abdullah ibn Muqaffa, qui était perse, parmi les adorateurs du feu. Ibrahim ibn Sayyar al-Nadban, qui était un brahmaniste, et qui a prétendu être devenu musulman, puis qui a essayé de détruire l'islam avec les choses nouvelles qu'il a ramenées, les choses nouvelles surtout dans ses convictions, dans l'aqida. Soussan al-Nasrani, qui a amené l'innovation de l'Qadr, l'Qadariya, qui prétendait que Dieu ne savait pas ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer dans l'avenir. Wal'iyadu billah. Ou bien Ibn Safwan, la même chose qui est bien connue pour avoir amené une grande catastrophe à l'islam. Ces personnes-là donc avaient des mauvaises intentions. Ceux qui les ont suivis sont, peuvent être divisés en deux groupes. Ceux qui avaient de mauvaises intentions comme ces personnes-là et ceux qui ont de bonnes intentions, qui ne sortent pas de l'islam en suivant ces innovations, mais qui font partie, par malheur, des sectes déviées. Quant à nous, il nous appartient de purifier la religion de ce qui est rentré dedans et qui ne fait pas partie de l'islam. Et l'imam al-Zahabi et tous les grands savants ont parlé des désastres qu'a amené à l'islam la traduction des livres des Perses, la traduction des livres surtout des Grecs et des philosophies grecques qui ont fait rentrer beaucoup, beaucoup de choses étranges à l'islam. Et c'est pour ça que ceux qui appellent au retour à la première voie, comme on a vu, s'appuyant sur les paroles de Mas'ud, radiallahu anhu, ou Abu al-Aliya, rahimahullah, le successeur des compagnons, ceux-là, ce sont eux qui appellent à la véritable union qui peut durer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » Dieu est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Donc, le fait de ramasser tout ce qui s'attribue à l'islam, qui prétend être de l'islam, et de rassembler « Tayyib al-Khabith », ça ne veut pas réaliser une union durable, ça va réaliser une union éphémère. Et Dieu dit dans le Coran « قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَلَا الطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ » Et il dit ce qui est bon n'est pas pareil à ce qui est mauvais, même si la quantité, la multitude de ce qui est mauvais te plaît. C'est pour ça, c'est ça l'erreur, c'est ça le piège où sont tombés beaucoup de gens. Ils voient la multitude des gens qui suivent les voies déviées et ils disent nous ne pouvons pas nous passer de ces efforts-là, de ces gens-là, de cette main d'œuvre si on veut, des gens, même s'ils sont déviés. Et en vérité, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » Et nous, comme on a vu, ce n'est pas les résultats qui comptent. La voie, c'est une action. Et les actions, tu vas en rendre compte à Dieu dans ta tente premièrement et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa law kunta wahdak » La communauté, ce sont les gens qui suivent la vérité, même si tu es tout seul. De la même façon, Nu'aym ibn Hammad, qui est un des grands maîtres de l'imam al-Bukhari, il a dit, ainsi que rapporte al-Bayhaqi, il a dit « إِذَا فَسَدَتِ الْجَمَاعَةُ فَعَلِكَ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ أَنْ تَفْسَدْ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ » C'est-à-dire, si la communauté dévie du droit chemin, alors rampons-toi à ce que suivait la communauté avant qu'elle dévie, même si tu es tout seul. Alors c'est toi la communauté dans ce cas-là. C'est pour cela aussi que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait « حدثني كم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر ومات فقد نزع رفقة الإسلام من عنقه والجماعة ألا تسب الصحابة c'est-à-dire celui qui se sépare, il dit de la communauté, d'une petite distance. Alors celui et qui meurt ensuite, celui-là, c'est comme s'il avait délaissé l'islam. Il a dit, et la communauté, c'est de ne pas insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce qu'il a dit cette parole, Hassan al-Basri? C'est quand il a apparu les gens qui ont insulté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout de suite, il a dit que ces gens-là qui faisaient partie de la communauté ne font plus partie de la communauté. Et la communauté véritable, al-Jama'a, c'est celle qui est restée, qui s'est cramponnée à l'islam d'origine, avant que n'apparaisse cette bid'a. Et ainsi on peut dire, de toutes les bid'a, de toutes les innovations qui apparaissent, et jusqu'à arriver à l'époque où on est, la jama'a véritable, la véritable jama'a qui est restée sur l'islam, c'est elle qui se cramponne à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, et à la religion que connaissaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette façon, et uniquement de cette façon, en revenant à la première religion, en revenant à la première religion, à la religion originelle, qu'on peut réaliser l'union des musulmans. Et ça, en conclusion, un conseil qu'on peut donner à nous-mêmes et à tous frères, c'est d'abord, comme on l'a vu au sujet de ce sujet qu'on a traité rapidement, que la solution de tous nos maux est d'abord dans la connaissance de la religion véritable. Kitab ou Sunna, les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oral arabia, la langue arabe, bien connaître le Kitab ou Sunna, les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir réalisé, après avoir eu un bagage dans une certaine branche, d'enseigner ces choses-là qu'on a appris à autrui, et d'appeler les gens qui ne suivent pas la religion, les gens qui ne suivent pas la religion soit totalement, c'est-à-dire qui ne sont pas musulmans, ou bien les gens qui ont dévié, les gens qui commettent des péchés, de les appeler à revenir à la véritable religion, et de ne pas être dur avec ceux qui ne sont pas sur le droit chemin, comme a dit Dieu. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Et dans un hadith, certaines personnes ont appris, après que Omar ibn al-Khattab soit rentré dans l'islam, certaines personnes ont appris que Omar ibn al-Khattab est entré dans l'islam, alors ils ont juré, Wallahi, la yaslimu Omar, c'est-à-dire c'est une nouvelle fausse. Comment une personne, comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était connu dans la Jahiliya, qui était connu pour les petits combats qu'il menait contre les musulmans, comment peut-il rentrer dans l'islam? Et ça doit nous encourager à ne pas, ça doit nous interdire de faiblir dans la da'wa. Et quand on sait que Nuh, alayhi salatu salam, il restait 950 ans et qu'il n'a pas faibli, et quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a patienté, et à la fin il a obtenu des fruits bons, quant à ceux qui veulent obtenir des fruits rapidement, en vérité, ceux-là, qu'est-ce qu'ils obtiendront? Ils obtiendront la coupure, la mort de leur arbre. Et Moula Azza Jal dit, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire l'écume des vagues, cela disparaît, parce qu'il n'a aucune importance. Mais quant à ce qui est profit, ce qui profite aux gens, l'humain, celui-là, il se dépose. Il reste longtemps. Il profite à l'agriculture, il profite aux gens, et c'est celui-là qui porte du fruit véritablement, pas l'écume causée par la violence du mouvement des vagues. Et cette écume-là, elle est éphémère, comme chacun sait. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait long, et a tracé des traits à droite et à gauche de ce trait, et a dit, ce trait-là, c'est la voie de Dieu, c'est Sirat al-Mustaqim. C'est les traits qui sont à droite et à gauche, ce sont des traits de la déviation. Et sur chaque chemin de la déviation, se trouve un diable qui appelle les gens à suivre ce chemin. Et c'est vrai, Rawah ibn Ahmed, il est authentique. Et les savants ils ont dit, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait tracé une route longue, ça montre que le chemin qui mène vers le paradis a besoin de patience, et de la même façon, le chemin qui mène vers la victoire, il paraît aux gens là, mais c'est le seul chemin qui amène au paradis et à la victoire. Et Ali ibn Abi Talib, il a dit, l'imam a tout honneur au bi-sabr et au yakin, c'est-à-dire par la patience et le fait d'avoir un cœur ferme, d'être sûr que Dieu ne nous a pas promis des choses vaines. Et de la même façon, Ibn Qayyim dit, j'ai peut-être questionné Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, comment arriver à l'imam Afid-Din, comment arriver, c'est-à-dire au degré de guide, au degré de guide, et ce degré de guide, il ne se réalise que lorsqu'on réalise, lorsqu'on a un bagage, comme j'ai dit, un bagage très important de science, et quand on devient un guide, c'est-à-dire qu'on appelle les gens à suivre, quand on fait la bonne da'wah. Alors, Ibn Taymiyyah, il a dit, mais sabri wa yaqin tunalu al-imama fi al-din. قال المولى عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Nous sommes d'entre des guides, mettons sur la bonne voie, guidons vers la bonne voie par notre ordre, lorsqu'ils se montrèrent patients et parce qu'ils croyaient avec conviction à nos signes. Et en fin de compte, il faut que nos frères sachent que le meilleur des jihad, c'est le jihad du talib al-ilm, le jihad de la science, comme a dit Ibn Abd al-Barr. وَمِدَادُ مَا تَجْرِبِهِ أَقْلَامُهُمْ أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ. Donc le grand effort qu'ils doivent mettre, c'est apprendre et apprendre. Et ça, ils ne peuvent le réaliser, entre autres, qu'en gardant un contact permanent avec leurs savants, ou en revenant à eux, surtout au sujet des questions délicates. Et qu'ils sachent que l'argent qu'ils mettent pour réaliser ce contact, pour contacter ces savants, mais qu'est-ce que cet argent-là compte plus que l'argent que les combattants mettent pour le djihad, pour combattre les ennemis. Et parmi les ennemis, le diable, que le bon Dieu nous a interdit de suivre ses pas. Et les pas du diable sont rapprochés, c'est-à-dire que parfois il est difficile de distinguer un pas d'un autre. Pour bien distinguer, il faut de la science. Et si on n'a pas de science, surtout comme j'ai dit, si la question est délicate, il faut revenir au savant. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.

وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم